ce monde merveilleux et absurde à la fois. J'aime ma neige à moi, c'est un endroit magique. Comme il fait beau, je l'ai mis en marche et voilà. Tu es mon ange dans un palais, étrange que qui comme toi. Poète qui crie les joies.